Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin le chapitre 3. Ce chapitre qui nous parle que Jésus est supérieur à Moïse. Notre Père du ciel, nous te demandons que ton Esprit Saint puisse encore nous conduire ce matin. Ta parole nous dit que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre les paroles de Dieu. Encore moins la mettre en pratique. Encore moins la prêcher. Il faut d'abord la comprendre. Il faut d'abord l'accepter ou la mettre en pratique pour nous, si on veut être capable aussi de la partager avec ceux qui nous entourent. Seigneur, nous prions humblement. Instruis-nous ce matin encore une fois. Parle-nous comme tu as voulu parler aux Hébreux qui ont reçu cette lettre. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu hier et les journées avant, Jésus supérieur aux prophètes, Jésus supérieur aux anges, Jésus supérieur à Moïse. Supérieur parce que Moïse est un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Jésus aussi fidèle, non pas en tant que serviteur, mais en tant que fils. En tant que bâtisseur de la maison avec son père, il est d'autant plus supérieur à la maison que lui et le père ont bâti. Et nous allons continuer ce matin en parlant de cela encore. Mais en même temps, ils vont introduire un nouveau sujet, ici, dans le chapitre 3, qui va continuer dans le chapitre 4, qu'on appelle le repos. Jésus va offrir un repos supérieur que Josué a offert. Il va commencer à en parler ici, mais on ne va pas s'y adresser vraiment à ce repos. On ne va pas en parler plus qu'il va être nécessaire. Mais on va surtout attendre le sujet au chapitre 4. Mais ici, on va voir que l'auteur veut surtout nous faire comprendre qu'il y en a qui rentreront pas dans le repos que Dieu va offrir. Le repos que Moïse voulait offrir, qui était la terre promise, et le repos que Jésus veut offrir, qui est la vie éternelle, les nouveaux cieux et nouvelle terre, la présence de Dieu. Nous allons commencer par lire le texte, chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, si non contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce que l'auteur veut bien nous parler ce matin? Il dit, attention de ne pas faire comme ceux qui se sont révoltés au temps de Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui se sont révoltés autant que Moïse? Il dit, regarde bien, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Donc il dit, sous la tutelle de Moïse, de serviteur de Dieu, pendant qu'ils étaient dans le désert, ils se sont révoltés contre moi. Et le mot par excellence du livre des Nombres, de Deutéronome, c'est le mot murmure. Ils murmurent contre Dieu. Ils murmurent contre David, pas David, mais contre Moïse et contre Aaron. Ils murmuraient, ils se révoltaient contre Dieu. Malgré qu'ils ont vu toutes mes œuvres, de la sortie d'Égypte, pendant dans le désert et tout cela, ils se sont révoltés quand même contre moi. Et pendant 40 ans, je les ai vus se révolter. Et si vous connaissez le moindrement l'Ancien Testament, les cinq livres, les cinq premiers livres de la Bible, il est facile à voir comment Israël a été rebelle après la sortie d'Égypte. Dieu venait de les délivrer de l'esclavage et ils se sont rebellés tellement fort que finalement, il n'y a personne qui va entrer dans le pays de Canaan, excepté quelques personnes. À cause de cela, il dit au chapitre 10, « Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Donc, le résultat de leur attitude envers Moïse et Aaron et envers Dieu, cette attitude de rébellion, cette attitude de révolte, cette génération qui s'égarait, qui ne voulait pas connaître les voies de Dieu, qui ne voulait pas y vivre dans les voies de Dieu, Dieu a juré dans sa colère, jamais ils ne vont entrer dans mon repos. Là, il ne parlait pas juste de Canaan. Dans chapitre 1 et 2, il avait déjà mentionné son repos, un repos plus grand. C'est ce qu'on va voir au chapitre 4. Il va parler d'un repos plus grand que le pays de Canaan, un repos plus grand que Jésus va emmener, que Dieu va offrir dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, un repos parfait. Il dit, ils n'entreront jamais dans mon repos. Pourquoi? Ils se sont révoltés contre moi. Ils m'ont rejeté. En rejetant Moïse et Aaron, ils m'ont rejeté moi. Ils ont murmuré. Et il va aller plus loin que cela tout à l'heure. Et on va le voir tout de suite, si vous voulez bien. Verset 16. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent, dont les cadavres tombèrent dans le désert? » Et à qui, jura-t-il, il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, verset 19, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, c'est qui ça? Ici, il décrit la gang du verset 7, 8 et 9. Il donne plus de détails. Qui sont ceux à qui Dieu a dit, vous rentrerez pas dans mon repos? Qui sont ceux contre lesquels Dieu s'est révolté, c'est irrité. C'est ceux qui péchèrent. C'est ceux qui ont désobéi au verset 18. C'est ceux qui ont été incrédules. Il faut faire attention, bien comprendre. Ceux qui tombèrent dans le désert, c'est pas à cause qu'ils avaient fait des convoitises charnelles. C'est pas à cause qu'ils avaient travaillé au noir. C'est pas à cause que certains hommes avaient convoité des femmes dans le désert. C'est pas à cause que certaines femmes avaient été insoumises à leur mari. C'est pas à cause que les enfants avaient compté des menteries à leurs parents. C'est pas à cause qu'ils avaient marché contre le gouvernement. Quelqu'un qui parle de ceux qui ont péché. Tout le monde a péché dans le désert. Tout le monde, hommes et femmes et enfants, tout le monde péchait comme on pêche chacun de nous, comme tous les êtres humains pêchent tous les jours. Il dit, ceux qui ont péché ici, c'est ceux qui se sont rebellés contre Moïse, contre Aaron, contre Dieu, qui n'ont pas voulu croire à la promesse du pays de Canaan, qui avaient peur des géants, et qui ont voulu retourner en Égypte. Voyez-vous? C'est ça le péché qui a hérité Dieu ici. Dieu les avait délivrés de l'esclavage pour les emmener dans le pays de Canaan, et ils ne veulent pas rentrer dans le pays de Canaan, ils veulent retourner en Égypte. C'est ça le péché dont il parle ici. C'est ça dont il parle. Faisons attention. Des fois, on applique ces textes-là à des chrétiens qui ont la foi en Jésus-Christ, qui veulent marcher avec Jésus-Christ, mais qui ont des difficultés dans leur vie, comme tous les chrétiens ont des difficultés dans leur vie. Et là, on les encourage à marcher avec Dieu, à s'abstenir de certaines choses, à vivre une vie morale, afin de pouvoir avoir dans le ciel des meilleures places, ou etc. Et là, dernièrement, je discutais avec des croyants, est-ce que certains péchés dans la vie des croyants pouvaient les démontrer qu'ils n'étaient pas sauvés? Non! Les péchés ne démontrent pas que je ne suis pas sauvé. Ce qui m'empêche d'être sauvé, c'est l'incrédulité, au verset 19. Ils ont été incrédules. Ils ont désobéi au plan que Dieu avait pour eux. Les chrétiens commettent des péchés tous les jours. Mais ils continuent de croire que c'est par la foi en Jésus-Christ que ces péchés-là sont pardonnés. Ils s'accrochent à cette espérance-là. C'est seulement Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ qui me rend acceptable aux yeux de Dieu et qui me rend capable de servir Dieu. Et c'est pour ça que l'auteur vient et il dit au verset 12, « Prenez garde, frères, sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Mauvais et incrédule, ici, c'est il parle pas, ah ben là, tu manques de foi, t'es en temps dans ta vie chrétienne, ah ben là, t'es mauvais parce que tu fais des péchés. C'est pas ça qu'on parle ici. Restons dans notre contexte. Au point de se détourner du Dieu vivant. C'est ça dont il parle. Si tu te détournes du Dieu vivant, tu n'entreras pas dans son repos. Tu n'entreras pas. Donc, l'auteur voit la possibilité que cela leur arrive. De la façon qu'ils ont entendu parler d'eux autres, de ce qu'ils savent d'eux autres, de ce qu'ils savent qu'ils sont en train de vivre. Il dit, oh frère, prenez garde, faites attention. Vous êtes sur un terrain glissant, là. Attention. Si vous vous détournez du Dieu vivant, mais là, pour eux autres, ils n'étaient pas en train de se détourner du Dieu vivant, ils ont retourné à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Mais il dit, vous détournez du Dieu vivant parce que Dieu, maintenant, dans les derniers jours, nous a parlé par le Fils et nous a envoyé le Fils pour faire l'expiation des péchés. Si vous vous détournez de ce sacrifice parfait qui a été fait en Jésus-Christ, vous vous détournez du Dieu vivant. En vous détournant de son plan en Christ, vous vous détournez du Dieu vivant. Verset 13 dit, mais au contraire, exhortez-vous, encouragez-vous, stimulez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Ou à la fin de notre vie. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Encore une fois, il ne parle pas de certains péchés dans lesquels je serais tombé. Tous les chrétiens tombent dans des péchés. Tous les chrétiens ont de la difficulté à lutter avec certains péchés. Il y en a certains qu'on a des victoires, d'autres, ils semblent qu'ils sont plus persistants dans notre vie. Mais le chrétien est celui qui combat, qui l'avoue, qui se demande pardon, qui est celui qui... Mais il dit, il parle ici de la séduction du péché. Et je crois qu'il est en train de parler de vous détourner de Jésus-Christ, d'être séduit par le péché au point tel que vous pensez que par le fait que vous allez retourner au temple, offrir des sacrifices, essayer de mettre en pratique la loi, que ça va vous sauver. Vous êtes séduit par le péché. Vous êtes séduit. Le péché vous a, de façon générale, le péché dans sa nature, vous séduit parce qu'il vous trompe. Vous croyez que vous êtes capable de faire ça, d'aller à la loi et de mettre en pratique la loi et de vivre une vie morale qui va vous rendre acceptable aux yeux de Dieu. C'est ça la grande séduction dont il parle ici. Au verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ si nous regardons pas trop la télévision. Nous sommes devenus participants de Christ si on va à l'église à tous les dimanches. Si on lit notre Bible avec un programme pour un an. Si on prie chaque jour, si on évangélise, qu'on conduit du monde au Seigneur, ah, on est devenu participant à Jésus-Christ. Ben non, vous savez ça comme moi, ben non. Je n'ai rien contre toutes ces choses-là. Mais laissons-la à la place qu'ils doivent être. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, on l'avait vu hier, pourvu que, en autant que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il dit, si vous ne vous gardez pas la foi en Jésus-Christ, si vous ne restez pas attaché à Jésus-Christ, vous n'êtes pas participant de ce que Christ a fait. Vous n'êtes pas des participants de ce que Christ a accompli à la croix. Vous êtes, c'est pas votre chef, c'est pas l'auteur de votre salut, c'est pas le prince de votre salut. C'est pas, vous êtes pas parti de sa maison. Vous n'entrerez pas dans son repos. Dieu est irrité contre vous. Vous allez subir la colère de Dieu. Pendant, on va s'acquérir ce qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc, dit, n'endurcissez pas vos cœurs, frère, ça. Je vous écris, là, je vous donne cette lettre aux Hébreux. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne fermez pas vos cœurs aux exhortations que je vous adresse. Ne fermez pas vos entrailles et votre cœur à Jésus-Christ. Restez attachés à Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs, c'est ça qui est important. C'est ça qui est salutaire. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est indispensable. D'être participant à ce que Christ a fait. Et je deviens participant à ce que Christ a fait, à sa mort, à sa résurrection, à l'expiation des péchés, par la foi. Par la foi. Si je deviens un incrédule face à Jésus-Christ, jamais, jamais, je vais entrer dans le repos de Dieu. Notre Père du ciel, merci encore une fois qu'il est encore temps d'entrer dans ton repos. Et comment on peut entrer dans ce repos? En étant participant avec Jésus-Christ. Une foi ferme, inébranlable, dans qui il était, fils de Dieu, fils de l'homme. Une foi inébranlable dans son sacrifice à la croix pour faire l'expiation des péchés, par sa victoire sur la mort, par sa résurrection. Ô notre Dieu, donne-nous la grâce de s'encourager mutuellement à garder la foi, à rester attaché à Jésus-Christ, car c'est en son nom que nous te prions. Amen.